Auditrices et auditeurs de Derrière le Poste, c'est l'asile le plus sûr, comme chaque semaine sur l'antenne du 94 MHz en direct le lundi à partir de 21h30 ou en rediffusion le dimanche à partir de 23h. Émission également écoutable sur internet sur le Mixcloud/Redman ou encore à partir de son blog asile35.blogspot.fr avec l'ensemble des podcasts de la saison 2013-2014 qui vient de s'achever. Donc les 52 émissions au total sont disponibles en téléchargement sur ce blog ainsi que les playlists et pas mal d'autres choses encore. Et on attaque cette nouvelle saison qui a démarré déjà la semaine dernière avec une émission de rentrée avec cette fois encore des nouveautés du mois de septembre et de l'été, plutôt dans le domaine des musiques de traverse. Et un grand classique pour attaquer cette sélection, il s'agit de monsieur Richard Dune, alias Richard Pinas, et son projet Schizo. Juste avant son groupe qu'il a rendu fameux, Eldon, Richard Pinas s'était fendu de quelques 45 tours avec ce projet dans lequel il officiait aux côtés des frères Roussel, Pierrot et Coco à la section rythmique et Patrick Gauthier et Georges Grumblatt au Moog et Mini Moog, et lui-même donc guitare et aussi électronique. Le label et surtout disquaire Le Souffle Continu vient de se fendre d'une réédition des 3 45 tours historiques du label Disjuncta de monsieur Richard Pinas. Soutien à la RAF publié par Eldon ainsi que Perspective 1 bis complément et le fameux 45 tours Le Voyageur qui était distribué gratuitement par Disjuncta en échange de deux timbres poste, comme c'était mis dans la pub du magazine Actuel de l'époque. Et ce morceau est devenu aussi assez fameux pour monsieur Gilles Deleuze lui-même, qui interprétait ce texte Le Voyageur de Friedrich Nietzsche sur la façade de ce 45 tours. Et je voulais aussi vous signaler pas mal de rééditions autour de Richard Pinas Grâce et elle donne à l'Étéia, qui ressort également sur Supérieur Viaduct, label de San Francisco, spécialisé dans les rééditions vinyliques à l'identique, ce qui est le cas aussi de cette série de 45 tours du Souffle Continu Records. Et on écoute sans plus tarder la version d'origine du Voyageur. En face B, c'était le morceau Torkol. On écoute le groupe Schizo pour une séquence de schizo-analyse. Parvenu, ne serait-ce que dans une certaine mesure, à la liberté de la raison, ne peut rien se sentir d'autre sur terre que voyageur, pour un voyage toutefois qui ne tend pas vers un but dernier, car il n'y en a pas. Mais enfin, il regardera les yeux ouverts à tout ce qui se passe en vérité dans le monde. Aussi ne doit-il pas attacher trop fortement son cœur à rien de particulier. Il faut qu'il y ait aussi en lui une part vagabonde, dont le plaisir soit dans le changement et le passage. Sans doute, cet homme connaîtra les nuits mauvaises ou pris de lassitude, il trouvera fermée la porte de la ville qui devait lui offrir le repos. Peut-être qu'en outre, comme en Orient, le désert s'étendra jusqu'à cette porte, que les bêtes de proie y feront entendre leur hurlement tantôt lointain, tantôt rapproché, qu'un vent violent se lèvera, que des brigands lui déroberont ses bêtes de somme. Alors, sans doute, la nuit terrifiante sera pour lui un autre désert tombant sur le désert, et il se sentira le cœur las de tous les voyages. Le soleil matinal se lève, ardent comme une divinité de colère. Que la ville s'ouvre, il verra peut-être sur les visages de ses habitants plus de désert encore, plus de saleté, de fourberie, d'insécurité que devant les portes. Et le jour, à quelque chose près, sera pire que la nuit. Il se peut bien que tel soit à quelque moment le sort du voyageur. Mais pour le dédommager, viennent ensuite les matins délicieux d'autres contrées. Nés des mystères du premier matin, ils songent à ce qu'il peut donner au jour, entre le dixième et le douzième coup de l'horloge, un visage si pur, si pénétré de lumière, de sereine clarté qui le transfigure. Ils cherchent la philosophie d'avant-midi. monkey is loose inside my head. His eyes are green, the coat he wears is red. On the days that he talks to me, this is what he has said. À l'instant, dans l'asile le plus sûr, on a démarré cette petite sélection hebdomadaire avec la formation éphémère Schizo et le 45 tours Le Voyageur qu'avait publié Monsieur Richard Pinas sur son propre label Disjuncta Records. C'était à la fin de l'année 1972. Ça avait eu un certain retentissement en 1973. 45 tours qui vient tout juste de revoir le jour grâce aux bons soins du label et surtout disquaire indépendant parisien Le Souffle Continue, qui est basé dans le 11e, dans la rue Gerbier, qui inaugure une nouvelle collection discographique avec la réédition des 3 45 tours sortis chez Disjuncta. C'est donc l'époque où Richard Pinas côtoyait le philosophe Gilles Deleuze du côté de la fac de Vincennes. Il suivait ses cours, il a suivi aussi pas mal de temps ce qu'a fait Gilles Deleuze, dont il était très proche. C'est lui qui s'occupe aussi d'ailleurs du site web de Gilles, du regretté Gilles Deleuze. C'était enchaîné avec Père Ubu, le retour de la formation des vétérans du free rock américain autour de la personne de monsieur David Thomas, qui sort donc ce Carnival of Souls ces jours-ci sur le label Fire Records, et c'est un disque vraiment très très réussi. On avait passé un extrait la semaine dernière qui était plutôt un morceau assez calme. C'est plutôt une musique assez cinématique, ce qui est assez souvent le cas aussi pour ce que peut faire Père Ubu depuis pas loin d'une quarantaine d'années. Et c'est une musique qu'ils avaient créée pour le film du même nom, Carnival of Souls. Et d'ailleurs, ils vont le rejouer, ce sera le 12, si je ne m'abuse, à Paris, pour l'étrange festival. Et David Thomas raconte à propos de cet album que c'est l'histoire d'un homme qui observe la lune sur le lit d'une rivière et qu'il est entouré de singes. Voilà, donc une musique plutôt réussie. Donc par Père Ubu avec ce nouvel opus Carnival of Souls. Et on va continuer avec un autre groupe de vétérans qui revient lui aussi en cette rentrée 2014. Il s'agit de Half Japanese, la formation de Monsieur Jadfer, qui a démarré elle un peu plus tard que Père Ubu. C'était vraiment à la toute fin des années 70, début des années 80. Half Japanese qui revient donc avec le disque Overjoyed, qui sort cette semaine sur le label Joyful Noise Recordings, label de Minneapolis, qui a sorti le dernier Dirouf. Ce disque d'ailleurs a été mixé par John Dietrich, le guitariste de Dirouf et ex-Colossomite. Donc Jadfer qui revient avec sa formation actuelle, dans laquelle on retrouve Gilles Vincent Rieder, le Suisse de la formation Débil Mentol, et l'ensemble rayé, donc quelqu'un qui a commencé les musiques parallèles au début des années 80 en Suisse. Et il y a aussi Mick Hobbs, le britannique Mick Hobbs du groupe Officer, qui se retrouve dans cette incarnation de Half Japanese. Le précédent album de cette formation était sorti en 2001 chez Alternative Tentacles, mais Jadfer n'est pas avare en frasques sonores. On l'a entendu notamment aux côtés de Yola Tengo, de Kramer, et évidemment avec pas mal de collaborations en compagnie de Daniel Johnston. Je voulais vous signaler aussi que pour fêter la sortie de ce nouvel opus, une vidéo à visionner sur internet, une sorte de reportage dans lequel on retrouve Lee Ranaldo de Sonic Youth ou encore Mu Tucker du Velvet, qui donc parle de Half Japanese, qui est une actualité assez importante puisqu'il y a eu des rééditions aussi de leur premier disque de la première moitié des années 80. C'était sorti l'an dernier en triple album sous le nom Half Gentleman Not Beats sur le label Fire Records, et apparemment ça devrait être suivi aussi par trois autres volumes, peut-être encore des triples et pas mal d'autres rééditions des albums phares de Half Japanese. Mais on écoute tout de suite donc un extrait de celui-ci qui s'intitule Overjoyed, avec le morceau qui introduit ce disque qui s'intitule In Its Pool. Refresh the life that you now have, and be the best that you can possibly be. Enjoy the life that you now have. Happiness is victory. Yeah! Good luck, grab me by my shoe. Refreshing is iced tea. Good luck came to me and you. Good luck came to me and you and me. Yeah! It's happiness or bust. Refresh the life that you are living. It's a must. Refreshed by the support of your giving. Yeah. Yeah! And here's what I have to say. Good luck, Grammy, in the night, alright. Good luck, Grammy, in the day, hooray. Alright. Yeah! Uh-huh. Wonderful. Choose the life that you done chose, and be a brand new you. Happiness, this time for us. Right and right and right and right. Alright. Yeah. To the sea. I drop into darkness. Crazy and free. Into darkness. Will you find me? Will you find me? tempt me to live. My cover of darkness, where I can breathe. To the sea, I drop into darkness, crazy and free. And free, crazy and free. On a démarré cette série de trois disques enchaînés avec tout d'abord le rock punkoïde et un peu déjanté de Alf Japanese et de son mentor, le fameux Jad Fair, avec un tout nouvel album sous le titre Overjoyed qui sort ces jours-ci sur Joyful Noise, donc du Alf Japanese assez typique, voilà, avec des texte comme toujours assez déjanté, qui était enchaîné avec une autre formation dont c'est le retour en cette rentrée. Il s'agit de Power Dove. Power Dove est le disque qui va sortir sur Murai Music sous le titre Arrest, qui est donc le deuxième album pour ce label Murai Music. Le précédent était sorti l'an dernier en coproduction avec African Tapes sous le titre Do You Burn, et nous avait vraiment pas mal titillé l'oreille. Donc cette formation, ce trio actuellement constitué de Annie Lewandowski, qui est l'instigatrice de cette formation. C'est une américaine multi-instrumentiste qui pratique une sorte de pop de traverse. Elle est aussi improvisatrice, notamment aux côtés de Fred Friss, Chris Cutler et autres, Charles Ewa. Et pour ce projet Power Dove, elle trousse des petites mélodies avec une voix assez décalée. Ça fait un peu un mélange entre de la poésie sonore et de l'expérimentation pop. Et donc on la retrouve en compagnie pour cette formation Power Dove de l'américain John Dietrich de Dirouf, et ainsi que du français monsieur Thomas Bonvalet alias Loselmar, qui fait une sorte de brouillage sonore des pistes des deux autres avec quantité d'instruments, tout autant du ken laotien que des claquements de mains et autres claquements de pieds sur planches de bois, et quantité d'autres effets sonores du meilleur goût. Donc un disque un peu à l'image du précédent, cet album Arrest de Power Dove, plutôt une musique pop très inventive, et on vous en passera sans doute d'autres extraits. Ça sort milieu du mois de septembre sur Murai Music. Juste pour vous dire que le morceau de Power Dove était enchaîné avec le troisième extrait de cette formation originaire de Finlande et de Turku très exactement. Il s'agit d'un duo de musiciens qu'on a pu retrouver dans pas mal de formations telles que Shogun Kunitoki, Kiila, Kemi Alicette, Istavat, etc., etc. Cette jeune formation qui sort son premier disque s'intitule Jarse, J-A-R-S-E, et l'album que je vais essayer de prononcer en finnois dans le texte, Der Gar Rund Ingen, et ça sort comme de juste sur le label de Sami Sampaki, là, le label Phonal, qui est un peu moins productif ces dernières années, qui produit aussi des choses qui nous intéressent un petit peu moins dans l'Asie le plus sûr. Mais cette jeune formation Jarse est vraiment plutôt réussi dans un côté un peu pop motorique et un peu post-psychédélique. On va continuer avec un autre trio qui l'est tout autant. Il s'agit d'une rencontre un peu improvisée et ad hoc qui avait combiné le festival britannique Tusk en 2013 et qui réunissait trois membres éminents des musiques post-psychédélique et aussi un peu kraut pour cette rencontre. Il s'agit de l'Australien Oren Ambarchi, guitariste et électronicien bien connu, en compagnie des Britanniques Neil Campbell alias Astral Social Club et Mike Flower du Vibra Cathedral Orchestra, et son banjo japonais Dronesque. Et donc tous les trois, ils avaient fait une très belle prestation à ce festival festival qui vient d'être réuni sur deux faces d'un vinyle d'une quarantaine de minutes, un vinyle un peu à l'ancienne avec un cut et fade out à la fin de la première face, puisqu'il s'agissait d'une performance non-stop d'une quarantaine de minutes, dont je propose d'écouter peut-être le démarrage si le son n'est pas trop dégueulasse. On écoute donc la rencontre entre Oren Ambarchi, Neil Campbell et Mike Flower à ce festival Tusk, extrait d'un vinyle édité d'ailleurs par le label Tusk lui-même et qui est distribué par les bons soins de Metemkin. On écoute ça tout de suite. Oh. acre on the river. Get the water to work. Induce the flood to turn. Framed and shrined, you can see this world is kind. A sign for all that's good. Induce forms from the world. Makes it hurt, but hold the body down. Difficile dans la dilopussure entre les parasites de la musique qu'on diffuse et puis la diffusion qui pêche un peu ce soir avec des lecteurs qui rament, hein, c'est pour tout vous dire. Donc on a démarré avec la rencontre entre Oren Ambarchi, Neil Campbell et Mike Flower au festival Tusk en Angleterre en 2013, une édition vinylique sur le label Tusk, avec donc une séquence plutôt dronesque sur la face A et la batterie, Oren Ambarchi qui se met à la batterie sur la face B pour quelque chose qui devient nettement plus pulsé et nettement plus motorique sur la face B. Donc une excellente performance réunie sur ce 33 tours qui s'écoute très très bien et qui était enchaîné avec le projet solo de Brian Mumford sous le titre Dragging an Ox Through Water, et l'album Panic Century sorti chez Mississippi Records en coproduction avec Eggy Records. Donc tout ça pour vous dire que ce projet sera en concert pour le festival Mississippi Records, donc autour de ce label qui réédite et qui édite beaucoup de cassettes de 33 tours de musique vernaculaire, on pourrait dire, de musique du monde, d'un peu partout dans le monde, ainsi que des musiques folk américaines. Et donc il y aura une tournée qui s'arrêtera à la salle de la cité où vous pourrez retrouver cette formation, dont Dragging an Ox Through Water, ainsi que la violoncelliste Laurie Goldson et Marissa Anderson qui sera de la partie également pour ce festival qui risque d'être assez somptueux, puisqu'il y aura aussi donc des membres du label qui seront présents et la projection d'un film de son cofondateur Eric Isaacson pour cette soirée qui aura lieu le 18 septembre à la salle de la cité. On ne peut que remercier l'association Yupsa qui officie dans le folk de Traverse Arène Rennes depuis une dizaine d'années, d'avoir eu cette riche idée de faire venir ce plateau All-Star de folk et de musique nouvelle. Et je vous signale que l'association Youpsa organise également une soirée courante semaine prochaine. Ce sera le 11, donc ce sera jeudi de la semaine qui vient, à la chapelle de l'Hôtel Dieu, avec la venue de l'Écossais Gareth Dixon du label 12K. Et il y aura aussi le duo de guitare classique Cataplysmic. Tout ça pour 5€ pour le 11 septembre. Et pour le 18, les places sont déjà en prévente à la boutique Blind Spot ainsi que à l'Office du Tourisme, si je ne m'abuse. Et là, je n'ai pas le tarif en tête, donc vous devrez vous renseigner. On aura l'occasion d'en reparler de toute façon dans l'Asile le plus sûr. Et on va enchaîner avec une séquence nettement plus électronique. Black Rain, qui est le projet de monsieur Stuart Algebright, un projet plutôt synthwave. Ce personnage a fait partie notamment de Dominatrix ou encore de E.K. Yard. Et Black Rain est un projet qui était un peu moribond. Enfin, c'était un projet plutôt du milieu des années 90 qui a refait surface il y a de ça 2 ans grâce au label de musique industrielle électronique Blackest Ever Black, qui avait sorti une bande-son de 94-95 sous le titre Now I'm Just a Number et qui récidive avec un disque de nouvelles pièces sous le titre Dark Pool. Et on va écouter donc un extrait de Black Rain, le morceau Protoplasm. Thank you. Nouvelle triplette de disques enchaînés et de nouveautés dans l'asile le plus sûr, avec une séquence nettement plus électronique cette fois-ci. Et tout d'abord donc The Black Rain, à savoir le projet de Monsieur Stuart Agrobright, et son nouveau disque sous le titre Dark Pool. C'est sorti chez Blackest Ever Black, qui est certainement l'un des labels les plus prolifiques dans le domaine des musiques industrielles électroniques depuis quelques années. Et donc ce nouveau disque de Black Rain ne déroge pas à la règle, comme toujours d'une production impeccable pour Blackest Ever Black. Très très belle pochette et très très beau pressage. C'était enchaîné avec The Soft Power et le disque If You Come Around, You Know What Happens, sorti chez All Day Breakfast. Là il s'agit d'un mini-album ou d'un maxi, un album donc d'une durée de 25-30 minutes pour The Soft Power, qui est une formation originaire de Brisbane. Alors je pense que c'est leur premier album en date, et dans cette formation on retrouve des gens qu'on a pu écouter dans l'excellent groupe Sky Needle, notamment Joel Stern et Andrew McLellan, qui est une formation qui a sorti deux disques à ce jour. Sky Needle est plutôt des musiques un peu expérimentales sur instruments de leur composition. Alors ce sont des gens qui font pas mal de choses tous azimuts, ces Australiens, et pour The Soft Power on est plus dans une sorte d'électronique de traverse, un peu cold wave sous les bords on pourrait dire, et plutôt assez atypique dans la manière de procéder. Et pour terminer on écoutait Acceptor, qui là encore est une formation un peu électronique barjotte, et le disque Familiar qui va enfin sortir cet automne. Il était prévu déjà en début d'année, et on a attendu et on a espéré un peu tous les mois qu'il puisse enfin sortir ce disque pour lequel les tests pressing avaient déjà été réalisés, je crois, à l'été 2013. Un disque qui a été beaucoup beaucoup retardé à cause des problèmes qu'a subi le label Blast First Petite, qui est la petite subdivision et l'une des subdivisions du label Mute Records, qui apparemment a essuyé une sorte de tempête depuis deux ans, ce qui a retardé pas mal de projets, comme donc ce nouveau disque de la formation de Brooklyn, le Protest Synthetic Band de Joel Fell-Ryan, qui a eu le temps de sortir plusieurs choses entre temps. Et donc Familiar devrait enfin voir le jour au début du mois d'octobre en double vinyle et en CD. Là il s'agissait du titre Maids, qui a donné lieu à une vidéo qui était disponible à partir de janvier, peu de temps avant qu'il ne s'envole pour l'Europe pour une tournée qui a été assez mémorable dans la plupart des capitales. Elle n'est pas passée par Rennes malheureusement cette tournée, c'était au printemps, au mois de mars. Et il y a une autre vidéo qui est à visionner aussi de cet album Familiar sous le titre Sunburn Kids par Acceptor. On va continuer avec une séquence de jazz free de très très haute volée, et qui démarre avec une rencontre entre messieurs Peter Brotzmann, le colosse de Wuppertal, le saxophoniste allemand du free jazz et de la free music incendiaire en Allemagne à partir de la fin des années 60, qui a joué aux côtés du guitariste free historique américain Sonny Sharrock à pas mal de reprises. Ils ont fait partie notamment de la formation Last Exit au milieu des années 80 jusqu'au début des années 90, une formation dans laquelle la section rythmique n'était pas constituée de manchots morceau non plus, puisqu'il s'agissait de Bill Laswell à la basse et du regretté batteur Ronald Shannon Jackson. Et je vous propose de retrouver un live de cette époque enregistré le 9 mars 1987. Au Luxembourg, donc où ils se retrouvaient uniquement tous les deux, Sonny Sharrock à la guitare hendrixienne et Peter Brodsman avec son saxophone dans lequel il s'époumonne. Et il s'agit donc de la d'archives en fait de Peter Brodsman qu'il a confié au label autrichien Trotzt, et donc ça donne un live de 72 minutes in extenso dont on écoute un extrait tout de suite. Thank you. Du jazz libéré de toute entrave comme on l'aime dans l'Asile le plus sûr. On a démarré tout d'abord par des vétérans en la personne de Peter Brotzmann qui rencontrait Sonny Sharrock sur cette session live de 1997 du 9 mars au Luxembourg, une performance qui vient tout juste d'être éditée par le label Trotst en CD sous le titre assez fantastique, What the fuck do you want? Et donc c'est plutôt une musique assez incandescente. Sonny Sharrock, qui est un peu l'inventeur de la guitare free à partir de la fin des années 60, était en très très grande forme. Et évidemment, le saxophoniste allemand n'était pas à la traîne lui non plus pour cet excellent live, donc édité tout récemment par le label Trotst, et c'était enchaîné avec des jeunes musiciens qui donnent dans le jazz libre depuis 5-6 ans. Il s'agit du collectif turc Construct qui est basé du côté d'Istanbul, qu'on écoutait avec une session en compagnie de Marshall Allen, le saxophoniste de l'orchestra de Sonra. Ils avaient fait paraître ce disque enregistré en studio sous le titre Vibrations of Day sur leur propre marque de disque Reconstruct en 2011. À cette époque, ils s'étaient fendus d'une série d'albums en compagnie de vétérans du jazz libre. Il y avait eu un disque avec Evan Parker et un autre d'ailleurs en compagnie de Peter Brotzmann. Ce disque sorti en CD de manière assez limitée vient tout juste d'être réédité grâce au label Holidays Records en double vinyle, label italien de Milan qui a une production assez fantastique. Et Construct a remis le couvert en concert avec donc toujours Marshall Allen pour un live at Santa Ana Arezzi Jazz Festival qui lui vient de voir le jour sur le label 8 mm. Et on fera une spéciale autour de ce collectif de jazz free d'Istanbul mené par le guitariste qui fait aussi pas mal d'électronique d'ailleurs sur un certain nombre de pièces, Umut Saglar, le saxophoniste Foran Futaci, le batteur Koran Arguden et le percussionniste Ozun Ushta. C'est assez rare qu'on entende des musiciens turcs produire une musique qui arrive à passer les frontières. Donc on se souvient qu'il y avait eu Ok Temiz, le percussionniste d'origine turque qui avait fait pas mal de choses assez sensationnelles dans les années 70. Donc c'est un peu les rejetons de Ok Temiz, le collectif Construct qu'on découvrira donc dans une quinzaine de jours par une émission thématique dans l'Asile le plus sûr. Je vous rappelle que l'intégralité des playlists est consultable sur le blog de l'émission asile35.blogspot.fr et que vous pouvez réécouter ces mêmes sessions radiophoniques grâce au mixcloud/redman pour le streaming, émission également podcastable sur le site de l'émission. Et on va se quitter avec une dernière pièce. Il s'agit du bassiste de Wire et de Dome, monsieur Edvard Graham Lewis, qui revient avec deux disques sur le label Imego. On vous avait passé juste avant l'été et la coupure des vacances son disque plutôt de musique électronique expérimentale, mais un tantinet format chanson et un peu plus pop, on pourrait dire, sous le titre All Over. Et le label label Imego vient tout juste de sortir le All Under qui l'accompagne, qui est une série de titres de musique pour l'écran ou pour des installations visuelles, donc plutôt de l'architecture sonore électroacoustique, ce qu'il pratique depuis le début des années 80, monsieur Graham Lewis. Et on va écouter donc pour se quitter All Under, qui sera une musique idéale pour le décollage à l'horizontale. Et je vous souhaite une excellente nuit et une très très bonne semaine. À bientôt et à la semaine prochaine.